Leçon 2. Exercice 34. S'exprimer sans nommer le sujet du verbe. Utiliser, il est conseillé, nécessaire, indispensable, préférable, souhaitable. Exemple. Il faut travailler plus. C'est une nécessité. Il est nécessaire de travailler plus. À vous. Il vaut mieux tout arrêter maintenant. C'est préférable. Il est préférable de tout arrêter maintenant. Il faut différer la réalisation du film, si c'est possible. Il est souhaitable de différer la réalisation du film. Il faut absolument créer les conditions de la réussite. Il est indispensable de créer les conditions de la réussite. Il vaut mieux rentrer, c'est préférable. Il est préférable de rentrer. Il faut absolument réduire les risques. Il est indispensable de réduire les risques.